cacher quand le mentir se voler. Les couilles, j'ai rien de grave. Mais partez jusqu'à la mort. Partez jusqu'à la mort. Partez jusqu'à la mort. Partez jusqu'à la mort. Un chien, ses graines. Là, tu n'aimes pas qu'on sème. Des arbres en masse que l'on embrasse à l'heure à peine. Hey, il ne se connaît pas. Et donc, il ne voit pas qu'il est tout seul. Il ouvre sa gueule, on le voit. Ton arté jusqu'à la mort est bien présent. C'est la raison qui prend ta vie comme un présent. Attaché d'un ego en sollicite la triche. Y'a bien que nous pour voir un titre et ce qu'il fait. N'oublie jamais qu'on est bien peu, qu'on n'est pas vieux. Et que l'on peut vivre une vie sans être peu, sans être deux. Mieux qu'on peut voler, qu'on peut tricher, qu'on peut mentir et se violer. Je m'en bats les couilles, j'ai rien de grave. Mais en vrai, l'un des trouvera l'excuse et parlera de toi ou moi. Mais quel amour pour des écrits d'un gars que tu connais pas. Non, quel amour quand les gens crient et meurent sur le trottoir. De quel secours quand tu t'écris et tu pars sans savoir. Je crois pas en Dieu et pas en toi, je crois que toi non plus. Sans des principes, c'est nos limites et toi tu donnes ton cul. Répulsion de réflexion, tu ne sais pas qui tu es. Comprends ton Dieu mais sans y croire, apprends à te connaître. Un chien, ses graines, là tu n'aimes pas qu'on sème. Des arbres en masse que l'on embrasse à dur à peine. Hey, qu'il ne se connaît pas et donc qu'il ne voit pas. Qu'il est tout seul, il ouvre sa gueule pour le voir. Attaché à ses graines, là tu n'aimes pas comme on sème. Des arbres en masse que l'on embrasse à l'heure à peine. Hey, qu'il ne se connaît pas, et donc qu'il ne voit pas. Qu'il est tout seul, il ouvre sa gueule pour le voir. Ils sont hantés jusqu'à la mort et méprisants. Se regarder l'opposé d'un mort et d'un vivant. Se masturber pour le corps, un acte dissuasif. Comme s'arrêter devant un tort sans un préservatif. Qui devine ou pas, devine un peu et sans épier la feuille. De vise à plat, de vise en part, sans thérapie d'orgueil. Assise ou pas, la foi se lève et ça pour les gens bas. Les gens baptisent, des jeunes autistes aussi pour les couvents. À coup d'épingle, tu gagnes ta vie, trouve ça normal. Sans coup de départ, mais de l'envie, tu dors plus mal. Et prie pour de la chance, voit du mérite pour ses offrandes. Mais se barre vite pour des vacances qui lui expliquent comment se vendre. S'entendre dire que l'on se rende sans le sourire et sans l'attendre. À nous entendre, on est heureux, on connaît peu, mais on y croit. Force de vendre, on miséreux, on compte mieux, mais on se noie. Si on s'efforce d'ignorer Dieu, on dit adieu à ce combat. Attaché à ses graines, là tu n'aimes pas qu'on sème. Des arbres en masse que l'on embrasse à dur à peine. Hey, qu'il ne se connaît pas, et donc qu'il ne voit pas. Qu'il est tout seul, il ouvre sa gueule pour le voir. Attaché à ses graines, là tu n'aimes pas qu'on sème. Des arbres en masse que l'on embrasse à dur à peine. Hey, qu'il ne se connaît pas, et donc qu'il ne voit pas. Qu'il est tout seul, il ouvre sa gueule pour le voir. Hâté jusqu'à la mort. Hâté jusqu'à la mort. Hâté jusqu'à la mort. Hâté jusqu'à la mort. Hâté jusqu'à la mort. Wow, hâté jusqu'à la mort. Yeah, hâté jusqu'à la mort. Wow, hâté jusqu'à la mort. Hâté jusqu'à la mort. 6 milliards de religions sur terre. Une dans chaque cœur. 6 milliards de religions sur terre. 6 milliards de dieux. 6 milliards de dieux. 6 milliards de religions sur terre. 6 milliards de dieux. 6 milliards de dieux. 6 milliards de religions sur terre. 6 milliards de dieux. 6 milliards de dieux. Ok. 6, 9. 1.